Les cours du Collège de France, immunologie moléculaire, Philippe Kourilski. Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Lors de la dernière séance, nous avons vu le début des applications à l'homme de ces technologies que j'estime motrices de l'immunologie. Donc je vous rappelle les règles du jeu, si j'ose dire, de ce cours, qui était d'essayer de dégager quelles sont les forces technologiques qui guident la discipline et qui permettent, dans une certaine mesure, de voir ou de renifler un petit peu vers quoi elle se dirige, sachant qu'une bonne partie de ces technologies sont en fait des technologies qui sont communes à l'ensemble de la biologie. Et nous avons vu d'abord les technologies moléculaires essentiellement, donc les technologies qui recouvraient le séquençage d'une part et les techniques biochimiques d'autre part. Ensuite, nous avons vu ce qui se passe dans le domaine de l'imagerie, qui progresse de façon extraordinaire tout également. Et puis, dans cette troisième partie, nous avons vu un certain nombre d'applications à l'homme. C'est ce que j'ai choisi d'utiliser pour illustrer ce propos, avant d'en arriver tout à l'heure à la conclusion de cet ensemble qui, effectivement, reviendra sur les prémices, c'est-à-dire sur ce que peut devenir un peu la discipline. Dans ces applications à l'homme, j'ai commencé la fois dernière par revoir ce qu'on peut faire à partir d'une prise de sang. C'est évidemment totalement essentiel sur le plan pratique. Et vous avez vu que des progrès très très importants ont été faits en matière de capacité d'analyse, ce qui justifie d'ailleurs que l'on puisse maintenant travailler, si je peux dire, en recherche sur l'homme beaucoup plus efficacement qu'on a pu le faire par le passé. Je vous ai parlé des maladies infectieuses et du microbiome, c'est-à-dire de ces gigantesques ensembles de bactéries qui nous habitent et qui cohabitent avec nous, qui vivent en symbiose à peu près dans toutes les surfaces internes et externes du corps. Et aujourd'hui, je vais passer un petit peu de temps sur les questions de tumeurs et de cancers. Je passerai aussi un petit peu de temps sur la notion, qui est une notion floue mais très importante, de terrain génétique. Et donc, je commence par quelques considérations sur les tumeurs et les cancers. Les cancers, comme vous savez, c'est un ensemble de maladies qui recouvre plus d'une centaine de maladies, très différentes en fait les unes des autres, mais avec la caractéristique de cette prolifération incontrôlée des cellules cancéreuses. Je ne vais pas bien sûr vous faire un cours sur le cancer, je vous rappelle simplement quelques principes ou quelques acquisitions solides en matière de connaissances génétiques, et notamment le fait que les cellules cancéreuses sont des cellules mutantes. L'accumulation des mutations aboutit à ce phénomène, une accumulation de mutations, pardon, aboutit à ce phénomène de dérèglement dont nous allons parler plus avant. Le catalogue de ces mutations est aujourd'hui très important parce qu'on pense souvent que les mutations, c'est ponctuel, mais il n'y a pas que les mutations ponctuelles. Il y a toutes sortes d'insertions, de délétions, de réarrangements, de modifications d'un nombre de copies, de translocations, sans compter des additions de matériel viral. Et comme vous allez le voir, en fait, les génomes bougent absolument dans tous les sens. Ces mutations sont acquises tout au cours de la vie. Le fait que nous sommes exposés aux carcinogènes, à des mutations qui sont elles-mêmes des mutations mutatrices. Et par exemple, lorsqu'une mutation se produit dans une cellule qui inactive les systèmes de surveillance des mutations, mais vous avez une giclée de mutations, et donc c'est ce qu'on appelle un phénotype mutateur. Le premier des carcinogènes, comme vous savez, c'est tout simplement l'oxygène que nous respirons. Donc nous vivons, nous baignons dans un environnement de carcinogènes, les radiations également, mais nous possédons des systèmes de réparation efficaces pour lutter contre ces agressions chimiques qui font partie de notre existence. Le problème, bien entendu, lorsqu'on travaille dans le domaine du cancer, c'est qu'il y a toutes sortes de mutations et dans le jargon, on distingue les mutations de type conducteur de celles de type passager. C'est le type passager, ça veut dire que c'est les mutations qui, en fait, n'ont rien à voir avec le phénotype cancéreux et qui se produisent, qui s'accumulent ou se diversifient sans qu'elles aient un effet réel sur le développement de la maladie. Et bien sûr, les mutations de type conducteur sont les mutations qui sont importantes. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait que nous avons également toutes sortes de changements qu'on appelle épigénétiques qui touchent nos génomes, qui peuvent être héréditaires, le plus connu étant la méthylation de certaines régions de l'ADN, notamment dans les dinucléotides qu'on appelle CPG. Ce que je vous ai marqué entre parenthèses, c'est qu'on pense toujours à l'épigénétique, à l'épigénèse du génome, des chromosomes, des gènes habituels, et qu'on devrait peut-être s'intéresser parfois à l'épigénèse des mitochondries, qui jouent aussi également un rôle important et qui sont très peu regardées. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Il se passe qu'avec le séquençage et l'accumulation des connaissances, le répertoire des gènes qu'on appelle cancéreux, c'est-à-dire les gènes impliqués dans le cancer, et qui sont mutés, ce répertoire est en augmentation sensible. Dans les livres où nous apprenons et où nos étudiants apprennent la biologie, il est classique de lire qu'il faut accumuler en général de 5 à 7 événements différents pour arriver au phénotype cancéreux, c'est-à-dire pour dépasser, si vous voulez, tous les contrôles qui interviennent dans la réplication et la division cellulaire et qui aboutissent à cette anarchie, cette prolifération anarchique des cellules. On voit maintenant des estimations qui pourraient être différentes et certains auteurs pensent qu'il faut peut-être jusqu'à 15 à 20 événements pour arriver au phénotype cancéreux. Les gènes que l'on qualifie d'importants dans le cancer, on en connaît environ 350. Et en fait, lorsqu'on y ajoute un certain nombre de gènes dont ils sont supposés qu'ils peuvent intervenir dans les prédispositions au cancer, on peut arriver à nettement plus, c'est-à-dire dans les 2000 ou 2000 et quelques. Et comme vous savez qu'il y a environ 20 25 000 gènes dans le génome de l'homme, ben ça fait à peu près 10% du génome. 90% des mutations sont dominantes et 10% sont récessives. Il y a beaucoup de mutations ponctuelles, en plus de cela, qu'il faut trier lorsqu'on analyse les génomes, car beaucoup sont de type passager. Et puis, il y a des interventions possibles d'ADN viral. Après tout, on ne connaît pas tous les virus. Il est fort possible qu'il y en ait de nouveaux qui n'aient pas encore été réellement identifiés. Quoi qu'il en soit, vous savez bien que le quart environ des cancers sont d'origine infectieuse et donc pas mal de cancers sont typés comme étant d'origine virale. Et puis, il y a ces fameuses altérations épigénétiques dont je voudrais vous parler maintenant et je voudrais vous dire un mot donc des questions de méthylation du génome. Alors, nous avons beaucoup de sites qui sont méthylés dans le génome de façon physiologique. Et cette méthylation est un phénomène que l'on dit épigénétique, qui est lié à la diète, à l'environnement, et que l'on peut objectiver très simplement par le fait que si vous regardez des jumeaux vrais, au point de vue génétique, ils sont à peu près aussi semblables que vous pouvez l'imaginer, mais au niveau de la méthylation, ils ont des méthylations qui sont différentes. Donc, c'est effectivement... c'est bien un phénomène de type épigénétique et lié à l'environnement et à l'histoire de l'individu. En plus, d'ailleurs, vous pouvez observer des différences de méthylation dans le temps chez un même individu en fonction de l'âge, nous allons le voir, de phénomènes physiologiques comme la ménopause, semble-t-il. Et on peut étudier ces méthylations de l'ADN dans les cellules du sang et dans les tissus cancéreux, bien entendu. Et je vais commencer par une étude surprenante, ou à mes yeux surprenante, parce qu'elle détecte de la méthylation dans l'ADN des cellules sanguines. Donc je suis un petit peu orthogonal par rapport au plan que j'ai choisi, dont nous retrouvons dans l'analyse du sang, mais pour une raison tout à fait spécifique, c'est que c'est lié à cette méthylation et donc au problème d'épigénétique que je n'ai pas traité jusqu'à présent. Donc cette méthylation, on peut l'analyser dans le sang et on peut l'analyser dans les cellules cancéreuses. Et ce qui est surprenant, c'est que dans au moins certains cas, c'est une donnée très récente, dans au moins certains cas de cancer, on trouve trace de l'état cancéreux dans la méthylation des cellules du sang. J'y arrive dans un instant. Donc c'est cet article que je vous cite, qui date de quelques mois, et qui analyse le profil de méthylation dans le cas de cancer de l'ovaire. Je décris très rapidement les technologies qui permettent d'analyser la méthylation. En gros, ce que vous faites, il y a plusieurs techniques pour faire ça. L'une, c'est de prendre un anticorps qui reconnaît les cytosines méthylées. Donc, vous avez des anticorps qui sont capables de faire ça. Donc, vous pouvez pêcher des bouts d'ADN qui portent ça. Mais l'autre technique qui est la plus utilisée consiste à effectuer une modification chimique de l'ADN en traitant ce dernier par le bisulfite. Ce que fait le bisulfite, c'est qu'il convertit les cytosines en uracile, et donc ensuite vous répliquez par amplification PCR, ces uraciles deviennent des thymidines, donc votre C est converti en T. Tandis que si le C est méthylé, il reste C, et donc vous le amplifiez et vous avez toujours C. Du coup, lorsque vous avez une méthylation, vous protégez en quelque sorte le C qui serait attaqué par le bisulfite. Et ensuite, vous avez toutes sortes de techniques qui vous permettent, notamment par hybridation sur des jeux d'oligonucléotides, de repérer une hybridation congrue d'une non-hybridation qui est liée à la mutation qui aurait été créée par l'agent chimique. Donc voilà, c'est un traitement chimique qui attaque spécifiquement une base lorsqu'elle n'est pas méthylée et qui permet de différencier le méthylé du non-méthylé. Alors pour détecter ça, vous avez des puces qui sont spécialisées, qui ont été construites avec toutes les connaissances accumulées sur les sites ACPG, si bien que vous avez tous les oligonucléotides qui sont sur la puce. Ça reflète les 27 000 sites aujourd'hui, il y en a probablement plus, mais ça donne déjà une image assez complète de ce qui se passe dans le génome. Et donc voilà, donc, vous faites ces manipulations, vous hybridez sur des puces, et ensuite le rapport des signaux de fluorescence entre les ADN qui sont méthylés et non méthylés, que vous mettez sur des billes, hein, je vous ai décrit un peu ces technologies au début de ce cours, vous donne un rapport des signaux de fluorescence qui vous permet d'évaluer si le site est méthylé ou pas. Alors, ce qui a été fait, donc, c'est de prendre une série d'individus, en fait un grand nombre d'individus, puisque vous avez vu qu'il y a eu 540 prélèvements de faits, donc vous imaginez là encore l'importance expérimentale de ce type d'approche qui se traduit par une matrice de données de 540 points par 27 000, donc c'est beaucoup, beaucoup de données. Et l'analyse de ça se fait par des moyens mathématiques et informatiques lourds qui permet de voir s'il y a des différences en fonction de l'état, des différences en fonction de l'état physiopathologique de la personne à partir de laquelle le prélèvement a été effectué. Je vous résume le résultat qui, pour moi, est assez frappant. Effectivement, dans le sang, encore une fois, de femmes atteintes d'un cancer de l'ovaire, on détecte une espèce de signature, comme on dit, qui concerne environ 10% des sites CPG. Et en fait, on arrive à décomposer la dite signature en deux parties. L'une partie correspond à l'âge, parce que le nombre de CPG méthylés augmente avec l'âge, et ça, c'était connu, on le repère dans les génomes. Mais l'autre partie a l'air de venir d'une modification, d'une double modification, un déséquilibre dans la formule cellulaire et donc notamment, semble-t-il, un accroissement des granulocytes dans le sang et le fait qu'un certain nombre de gènes dans ces granulocytes et dans d'autres cellules sanguines se trouvent plus méthylé que lorsque l'état est physiologique et que la personne n'est pas atteinte de cancer. Alors, c'est pour moi un résultat tout à fait surprenant, je ne vous le cache pas, qui pose beaucoup de questions, mais qui donne une signature dont on ne sait pas si elle est générale, parce que, après tout, il est possible, ou même probable, je dirais, que dans d'autres types de cancers, il y a également des phénomènes de méthylation qui se produisent dans les cellules immunitaires. Et puis, ça pose l'autre question de comprendre pourquoi et comment, dans les cellules immunitaires, la réponse finalement à l'état cancéreux ou induit des modifications de méthylation, d'autant que certaines de ces méthylations ont lieu dans des gènes qui sont les cibles d'une protéine qui s'appelle REST, qui se trouve être importante dans les cellules souches. Donc il y a là un domaine de recherche qui, à mon avis, s'ouvre et qui est fort intéressant. Maintenant, ça, c'est le sang. Et encore une fois, pour moi, c'est une surprise. Et la plupart des données qui sont obtenues aujourd'hui le sont dans les tissus cancéreux eux-mêmes. Et donc, la question est bien, est-ce que dans les cellules cancéreuses, et non pas dans les cellules du sang, est-ce que dans les cellules cancéreuses de tissus cancéreux, disons de tumeurs solides pour être plus précis, on peut détecter, on détecte des différences de méthylation et la réponse est évidemment oui. Alors, l'importance de cela, c'est que ces méthylations se conduisent généralement à l'inactivation de l'expression des gènes. Et donc, vous avez des gènes qui sont qualifiés de gènes suppresseurs de tumeurs, donc ils contrôlent la division cellulaire, si vous voulez, ou ils contribuent à contrôler la division cellulaire. Et bien entendu, l'inactivation de ces gènes par un mécanisme qui n'est pas un mécanisme de mutation, qui existe par ailleurs, mais un mécanisme épigénétique de méthylation, aboutit au même résultat, c'est que le gène est fonctionnellement inactif. Et donc, évidemment, si vous accumulez des événements de ce genre, sur le plan phénotypique, vous arrivez à dérégler votre cellule, et donc ces études sont particulièrement importantes. Alors, je vous en cite un certain nombre de ces études qui ont été acquises par différentes approches et puisque ce cours est délibérément orienté vers la technique, j'ai classé ces approches par les techniques et donc vous allez trouver du transcriptome, du protéome, un certain nombre de combinaisons que je vais vous décrire très rapidement. Dans cet article sur les DNA méthyltransférases de gliome, qui, comme vous savez, est une pathologie cancéreuse cérébrale très, très, très maligne et extrêmement difficile, ces auteurs ont analysé le problème suivant. En quoi l'expression des DNA méthyltransférases, qui sont les enzymes qui méthylent le DNA, qui provoquent ces événements épigénétiques, en quoi ces DNA méthyltransférases pourraient-elles être contrôlées, notamment par des ARN interférents? Ces ARN interférents, comme vous le savez, sont un moyen d'inactiver fonctionnellement des gènes de façon artificielle. On peut ajouter ces ARN de l'extérieur. Et là, dans une lignée en culture, ils ajoutent des ARN interférents spécifiques de ces DNA méthyltransférases et cela induit la réactivation d'un certain nombre de gènes qui étaient réduits au silence par la méthylation. C'est dans des lignées en culture. Et donc, l'approche, qui est une approche de recherche, cette fois, est une approche qui consiste à regarder les corrélations entre ces événements, la réactivation des gènes, la méthylation et la déméthylation que l'on attend dans ce type d'approche. Donc là encore, c'est des technologies puissantes qui sont utilisées. Cette fois, c'est l'anticorps anti-méthylcytosine qui est utilisé pour repérer les sites de méthylation. Donc c'est la deuxième approche technique que j'ai évoquée. Et l'idée est d'analyser à la fois la transcription qui repère évidemment les gènes qui sont exprimés ou non exprimés et d'analyser les promoteurs des 25 000 gènes de l'homme. Donc c'est cette approche mixte qui est utilisée et qui démontre qu'effectivement, lorsqu'on bloque par ARN interférence les deux gènes, enfin deux des DNA méthyltransférases, on observe la restauration de l'expression d'un certain nombre de gènes. Il y a toutes sortes de finesses qui, évidemment, suivent cette analyse, dans l'analyse des gènes qui sont exprimés, etc. Ensuite, un contrôle qui est très important, qui est d'aller dans la tumeur elle-même, parce qu'on sait très bien qu'une lignée tumorale, ça n'est pas l'équivalent strict de la tumeur. Et cette étude, toujours chez ses auteurs, a conduit à identifier une cinquantaine de gènes qui sont maintenant des candidats pour trouver de nouveaux médicaments contre le gliome. Vous me direz, mais pourquoi est-ce qu'on ne cible pas au plan pharmacologique les DNA méthyltransférases? Et la réponse, c'est qu'on le fait, et le problème, c'est que c'est terriblement toxique et pas utilisable. Et donc, il faut passer une étape pour essayer d'arriver à contrôler les choses. Voilà un autre travail qui est fait dans le cas des tumeurs primaires de la prostate, avec des purifications de cellules qui sont stratifiées au stade G3 ou G4, les transcriptomes, etc. Je vous donne juste le résultat. L'analyse par composants principaux qui réduit la complexité du problème et permet de dégager des différences et des ressemblances, bien sûr, entre des échantillons caractérisés une fois de plus par 50 000 points, donc il faut des techniques particulières pour caractériser cela. Ces techniques donc montrent qu'il y a effectivement des différences entre le stade G3, le stade G4 et les témoins, qui sont les cellules qui entourent la tumeur ou qui la précèdent, et un certain nombre de gènes sont identifiés. Et on trouve notamment, ce qui est intéressant, des gènes impliqués dans un mode de signalisation intracellulaire que WNT. Encore un autre exemple, je vais un peu vite, mais je ne dis pas que tout cela se ressemble, mais les approches sont identiques. Et cette fois, ces auteurs utilisent une technique que je vous ai également décrite très rapidement, mais que je vous rappelle, qui est également importante. Là encore, c'est un ganglion qui est prélevé dans le cas de métastase de cancer du sein. Alors, après congélation, le ganglion est coupé de façon sérielle, et par capture, par microdissection, et capture au laser, on arrive à isoler des îlots qui comportent environ 50 000 cellules et qui sont homogènes. Il est très important que vous compreniez que très souvent, les tissus, enfin un ganglion est très très hétérogène. Si donc vous voulez pratiquer une étude qui fasse sens, il vaut mieux isoler quelque chose qui soit suffisamment homogène et caractérisé de la façon la plus précise possible au niveau de l'histologie. C'est une des conditions réellement d'interprétation des résultats que vous pouvez avoir après. Et donc, il est important de pouvoir... dans cette expérience, par microdissection au laser, d'isoler des échantillons homogènes, et ensuite les technologies sont là pour les caractériser. Les technologies, en l'occurrence, c'est de la protéomique pure et dure avec spectrographie de masse qui identifie plus de 500 protéines et qui identifie une série de protéines qui sont spécifiques de la tumeur. Alors là, vous avez plusieurs points, bien entendu. C'est que l'identification des protéines caractéristiques de la tumeur vous guide maintenant dans un certain nombre d'interprétations sur le phénomène de tumérogénicité et également sur la manière de diagnostiquer et peut-être de soigner les tumeurs en question de façon spécifique. Et donc, l'identification des protéines ainsi révélées est un élément important pour la recherche. L'autre élément important dans ce type d'expérience, j'y ai déjà insisté, c'est le fait d'avoir des échantillons suffisamment homogènes pour se piloter, si vous voulez, dans l'hétérogénéité des tumeurs solides. Encore une étude sur le cancer de l'ovaire qui maintenant s'intéresse au problème de résistance à la chimiothérapie. Et l'approche expérimentale consiste à faire des prélèvements, à obtenir des prélèvements chirurgicaux avant la chimiothérapie, qui ont été conservés dans des tumorothèques. Et ensuite, évidemment, selon l'évolution du traitement, on classe les tissus en chimiosensibles ou chimiorésistants. À partir de quoi on peut appliquer des techniques différentielles pour essayer de comprendre ce qui fait la différence entre le chimiosensible et le chimiorésistant. Alors, ça encore, c'est de la technologie lourde, si vous voulez, c'est de la la protéomique avec marquage par le carbone 12 et le carbone 13, l'analyse donc par spectro de masse comparative dans le même échantillon, avec effectivement l'identification d'un certain nombre de protéines qui sont spécifiques de l'état résistant ou qui ont l'air spécifiques de l'état de résistance. Et il est intéressant que l'on trouve dans les protéines, les 30 et quelques protéines qui différencient les deux états, de trouver des protéines qui appartiennent à la matrice, qui sont surexprimées chez les résistants, qui appartiennent à la matrice extracellulaire, mais également des protéines assez inattendues, des chaperones, des protéines de liaison à l'ADN, des caténines. Et donc, vous ouvrez là encore, bien entendu, un champ de recherche considérable, puisque la simple liste des 34 protéines identifiées ouvre des années de travail pour comprendre pourquoi et comment elles sont impliquées dans le phénomène de résistance à la chimiothérapie dans ce type particulier de cancer. Alors, il y a des approches qui sont un peu plus complexes que cela et qui ont, à mon avis, beaucoup de valeur dans la mesure où elles tentent, et elles réussissent d'ailleurs, à combiner des technologies plus classiques avec ces technologies lourdes et très très puissantes qui donnent beaucoup d'informations moléculaires finalement, et qui également nous rapprochent finalement de l'immunologie. Par exemple, ce groupe qui travaille sur le mélanome métastatique a prélevé donc des métastases de mélanome chez un certain nombre de patients. Alors là encore, il y a une typologie des grades 3, 4, 5, etc. Donc un certain nombre de ces métastases ont été isolées et classées. Et le point, c'est que là encore, vous avez du suivi clinique et la question est de savoir s'il y a des gènes qui sont exprimés dans les métastases et qui corrèlent ou non avec une survie plus ou moins longue. Alors, c'est là encore du transcriptome à haut débit. Et donc, sur les, encore une fois, 50 000 points que donne une expérience de transcriptomique faite sur tous ces patients, après analyse et corrélation avec le temps de survie des individus, on arrive à environ 250 gènes qui sont impliqués ou semblent être impliqués dans la survie. À ce moment-là, qu'est-ce que l'on fait ? Eh bien, on prend les bases de données, on applique ce qu'on a, on fait les recherches dites ontologiques, c'est-à-dire qu'on regarde à quoi correspondent les gènes et les fonctions qui, pour l'heure, leur sont attribuées, et puis on essaie d'interpréter. Mais l'intéressant, c'est que, enfin l'intéressant, c'est normal, mais c'est que ces auteurs ont combiné les informations tirées de ce type d'expérience avec des informations beaucoup plus classiques, obtenu simplement par histologie, donc des coupes, de la coloration, et du coup, cela donne accès à des paramètres qui sont beaucoup plus basiques et qui ont également leur valeur. Alors, ces paramètres, c'est notamment le pourcentage de leucocytes, c'est-à-dire de globules blancs, si vous voulez, qui infiltrent, et plus singulièrement, de lymphocyte T qui infiltre la tumeur, donc ce sont les TCD3 plus qui peuvent être mesurés, enfin analysés et mesurés, et puis l'index mitotique est un index de division qui est un index de division des cellules. Et effectivement, la combinaison des données apporte maintenant une valeur supplémentaire aux signatures transcriptomiques que l'on peut faire en termes que l'on peut dégager pour obtenir des taux de prédiction encore plus précis que ce que l'on avait. Et donc, effectivement, dans cette expérience, sont décrites une série de gènes qui viennent d'un peu partout, vous avez un zoo de gènes qui interviennent dans qui interviennent de façon positive et donc négative pour d'autres dans la survie de l'individu, dont certains sont tout à fait classiques ou plus exactement attendus puisqu'ils touchent aux fonctions immunitaires, mais d'autres sont également classiques, ils touchent aux proliférations cellulaires, mais il y en a toute une série d'autres qui sont totalement inattendus et on ne sait absolument pas pourquoi et comment cela se produit. même expérience ou même type d'expérience, encore une fois, de liaison entre les données moléculaires et la survie des individus, cette fois dans des hépatocarcinomes. C'est une expérience faite par notre collègue Abbassado à Singapour, d'ailleurs. Et là, il trouve que la survie est associée positivement avec l'expression d'un certain nombre de groupes de gènes, notamment de gènes de l'immunité innée, cette fois, et la présence dans la tumeur de cellules NK, de cellules T, etc. Et finalement, je vais vous donner un dernier exemple, qui est un travail cette fois effectué ici en France par Hervé Friedman et son groupe, et qui s'intéresse là encore au micro-environnement et pas seulement aux données moléculaires. Alors, c'est un travail qui a été fait principalement dans le cas du cancer du côlon, et il est assez exemplaire dans la mesure où il repose complètement sur le fait que dans les hôpitaux Laennec et Georges Pompidou ont été récoltés entre 1996 et 2006 une quantité très importante de tumeurs colorectales, près de 1000, dans des conditions cliniquement très bien définies. Et c'est sur cette collection que les auteurs ont pu s'appuyer pour essayer de dégager, là encore, des corrélations entre les données qu'ils pouvaient obtenir rétrospectivement sur des échantillons qui étaient dans la tumorothèque et les corréler avec ce paramètre majeur qui est la durée de vie, qui est documentée, évidemment, rétrospectivement après le traitement du cancer. Alors, je résume un travail qui, vous en doutez, là encore, un travail colossal. Travail donc qui consiste à isoler à partir d'échantillons congelés anciens de l'ARN en bon état, ce qui n'est pas totalement évident, et ce qui a pu être fait sur une centaine de patients. Donc détermination du transcriptome, mais détermination également de l'histologie précise, analyse des répertoires des cellules T. C'est un travail qui est très, très complet. Et donc, ensuite, recherche de corrélation entre l'absence de récurrence, qui est documentée cliniquement, la survie, etc. Et donc, ce travail identifie un certain nombre de gènes qui sont des gènes du système immunitaire, mais met le doigt très particulièrement sur l'intervention de chémokines et de molécules d'adhésion qui est prédite par un certain nombre de réseaux d'interaction de gènes, et la démonstration que l'existence dans la tumeur de ces chémoattractants, donc chémokines, et de certaines molécules d'adhésion, corrèle avec un meilleur pronostic. Alors pourquoi, comment, évidemment c'est un objet de recherche aujourd'hui, l'autre aspect étant bien sûr la nature des cellules immunitaires trouvées dans la tumeur, qui elle aussi corrèle avec la survie. De façon un tout petit peu plus précise, lorsque les répertoires des cellules T sont analysés de façon assez remarquable, il semble qu'il y ait une corrélation entre certains types de cellules T avec certaines catégories de récepteurs T et la survie. Alors, ce que je voudrais conclure ici très simplement, j'ai conscience que c'est un petit peu sec comme exposé, mais enfin, je vous ai montré beaucoup de ces grilles dans lesquelles on voit, encore une fois, 50 000 points ordonnés avec des couleurs, et donc vous n'avez peut-être pas besoin d'en voir beaucoup plus. Mais les conclusions sont les suivantes. D'abord, il faut bien voir que il y a énormément d'observations qui découlent de ce type de travail. Ça génère un nombre absolument considérable d'hypothèses ou de points spécifiques sur les facteurs qui pourraient être importants dans le développement des cancers. Mais ce qui est important également, c'est que c'est très divers, et c'est très divers de façon, à mon sens, tout à fait normale. Cancer, encore une fois, c'est au moins une centaine de pathologies différentes, et en plus, qui sont différentes à différents stades. Donc, si vous voulez, en termes de typologie de cette catégorie de maladies, je pense qu'il faut s'attendre à avoir au moins un millier de catégories différentes dans lesquelles il faut classer et organiser les connaissances qui sont en train d'être accumulées. Donc, on est tout à fait au début de quelque chose. Et donc, quand on voit intervenir ici la matrice extracellulaire, ici la signalisation WNT, ici des caténines, et là, je ne sais pas quoi, je crois que ça n'a rien de surprenant. Cela renvoie à cet ensemble considérable de catégories qui commence tout juste à être rempli de cette façon-là. Bien entendu, il y a beaucoup d'autres données dont je ne parle pas, qui documentent l'existence de ces catégories. Alors, une deuxième conclusion, c'est le rôle croissant dévolu à l'immunologie. Parce que vous pourriez me dire, oui, alors on décortique le cancer de la prostate, stade 3 et stade 4, mais il n'y a pas de cellules immunitaires, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que, d'abord, comme vous le savez, beaucoup de tissus épithéliaux et autres synthétisent des molécules immunitaires, des attractants, des interleukines, des molécules qui contribuent à l'inflammation, etc. Donc, on ne peut pas faire de différence rigoureuse entre cellules du système immunitaire, cellules tumorales, cellules épithéliales, et blabla et blabla. Et puis, il y a un facteur qui est un facteur de... Pardon ? Il faut changer de fichier. Il y a un facteur qui est un facteur qui lui tient à la communauté scientifique, qui est le suivant, c'est que l'immunologie ne faisait pas vraiment partie du champ. C'est assez intéressant. Et j'ai repris, là, il y a un article qui date d'il y a une dizaine d'années, qui est un article qui a été très influent de Robert Weinberg, sur et qui a été publié dans Cell il y a exactement 10 ans. Et lorsqu'on relit cet article 10 ans après, ce qui après tout n'est pas tellement vieux, on voit que les orientations étaient totalement dominées par la biologie cellulaire. Donc la pensée dominante, c'était la division cellulaire. Tout va s'expliquer à partir de la division cellulaire. Et pourtant, Weinberg avait introduit dans cet article un certain nombre d'autres considérations, comme par exemple, bien sûr, l'angiogénèse, le fait que la croissance des vaisseaux sanguins dans les tumeurs est un paramètre très très important, puisque les vaisseaux sanguins amènent d'un côté les facteurs nutritifs qui permettent à la tumeur de se développer plus rapidement, mais de l'autre côté est aussi une source qui peut amener des lymphocytes et des éléments qui peuvent lutter contre la tumeur. Et donc, effectivement, il est remarquable que dans le schéma qui est montré dans cet article, et qu'on va retrouver, parce que ça, c'est le fichier qui n'a pas les clichés, c'est ça, je disais, que je vais vous montrer dans un instant, il manque un jalon, il identifie 6 jalons, et il en manque un, qui sont tout simplement les réactions immunitaires. Je m'interromps un petit instant pour faire cette correction de fichier. Pardon. Merci. Donc voilà un cliché, enfin une figure de cet article de Hanahan et Weinberg de 2000 qui identifie superbement les réseaux internes de la cellule qui interviennent dans la régulation et donc dans la dérégulation de la croissance cellulaire. Et voici le schéma qui a été important encore une fois dans la communauté, qui identifie les 6 facteurs importants. Et comme vous noterez, il montre bien que la tumeur est hétérogène et qu'il y a de l'angiogénèse, et il n'y a pas un mot sur le système immunitaire. Et c'est ça qui est effectivement en train d'être réintroduit massivement dans la cancérologie, et les progrès de l'immunothérapie, qui ne sont pas le sujet de ce cours, deviennent aujourd'hui tout à fait intéressants. Alors, je vous dis un mot également des maladies auto-immunes, en vous parlant rapidement des auto-anticorps naturels. Je vous en ai déjà dit un mot la dernière fois en vous expliquant qu'on fait aujourd'hui des puces qui sont construites avec des antigènes du soie, des protéines du soie, ceci afin d'identifier le spectre des anticorps qui reconnaissent le soie. Sachant que c'est une des caractéristiques de certaines maladies auto-immunes, de retrouver un taux excessif d'anticorps anti-ADN, par exemple. Et donc, c'est une manière d'essayer d'appréhender ce qui, dans le répertoire des anticorps, pourrait être une signature de la maladie auto-immune. Alors, je vous rapporte une expérience récente d'un groupe israélien qui travaille depuis longtemps sur cette question et qui a travaillé sur le lupus, avec des résultats que je vous indique rapidement. Donc, une quinzaine de patients avec une néphrite en rémission, 14 avec une néphrite active, 11 qui sont sans atteinte rénale, et des puces donc, qui portent 700 antigènes différents qui ont été faites ad hoc, qui comportent principalement des antigènes du soie, quelques antigènes contrôle, des antigènes, etc. etc. Bon. Et le résultat des études, donc la technique, hein, c'est de prendre le sérum de ces patients, de l'absorber sur les puces, de laver et puis de voir ce qui reste, et puis de mesurer les intensités, etc. Donc les données viennent de là. Et ils arrivent à identifier une signature de façon très, très frappante. Et vous voyez ici qu'avec un certain nombre de... en fait, 2x4 anticorps, enfin 2x4 antigènes, pardon, ils ont une signature qui est prédictive à presque 100% lorsqu'ils utilisent, non pas 2x4, mais 7 antigènes. Ici, vous voyez qu'ils ont une sensibilité de 100%, une précision de prédiction de 94%. Donc, d'après ce travail, il ne fait guère de doute que l'on puisse trouver dans le sérum des patients des spectres, des profils donc, d'auto-anticorps qui corrèlent aux états pathologiques. Et je vous cite rapidement un deuxième travail fait cette fois aux États-Unis, mais par un groupe animé par Christophe Benoît, qui est un de nos collègues français qui est aux États-Unis, et qui a choisi cette fois d'aller faire des prélèvements dans les cas d'arthrite rhumatoïde, donc c'est des prélèvements de synovie, et d'analyser ce qu'on appelle les complexes immuns. Alors, dans une maladie auto-immune, ce qui se passe, c'est que vous avez des réactions du système immunitaire contre le soi qui conduit à dégrader certains des organes. Donc, et cela est souvent lié à une inflammation particulière. Et ce qu'ils ont fait a donc été d'aller pêcher dans la synovie, donc de patients atteints d'arthrite rhumatoïde. Ils ont été pêcher les complexes immuns, c'est-à-dire les antigènes complexés aux anticorps. L'idée était de se dire, mais quels sont les antigènes qui provoquent peut-être ou qui sont associés en tout cas à la maladie. Alors, le travail n'était pas tout à fait facile parce que il n'y a pas de contrôle. Éthiquement, on ne voit pas très bien comment on irait ponctionner les genoux, par exemple, de gens en bonne santé. Donc, ils ont pris comme contrôle des cas d'ostéoarthrite qui ne sont pas répertoriés classiquement comme étant de type maladie auto-immune. Et ils se sont lancés donc, dans l'analyse des protéines qui sont liées aux anticorps. Comment ils font ça? Mêmes éléments, mêmes objectifs. Ils purifient les complexes immuns, ce qui n'est pas trop difficile à faire. Ils extraient les protéines des complexes immuns. Et ensuite, c'est de la protéomique, spectrographie de masse, etc., etc., qui finalement se conclut par l'analyse d'un demi-millier de protéines. Et voilà l'un de ces résultats que je vous montre. Donc ça, c'est les résultats de l'analyse de 500 protéines et de leur expression dans les contrôles et les malades. Et il y a le début de l'embryon d'une signature qui se traduit notamment par le fait qu'il détecte plus d'histones et d'anticorps anti-histones, d'anticorps anti-ADN, dans la maladie arthritique. C'est le tout début, je crois, c'est le tout début d'un, encore une fois, d'une autre aventure, d'une autre manière d'aller rechercher les sources et les caractéristiques des pathologies. Je ne veux pas conclure ce chapitre sans dire un mot rapide de l'état des thérapies, très rapidement, mais au moins pour vous donner deux ou trois références utiles. Vous dire que les anticorps thérapeutiques sont extraordinairement importants aujourd'hui dans le domaine du cancer, de l'auto-immunité, des transplantations d'organes, des maladies cardiovasculaires, des maladies infectieuses et même des maladies ophtalmologiques. Il y en a 25 sur le marché, il y en a 240 en développement clinique. C'est absolument considérable. Les anticorps sont aujourd'hui, les anticorps monoclonaux, sont aujourd'hui la moitié, paraît-il, des produits de biotechnologie issus des biotechnologies. Donc c'est un domaine qui est thérapeutique en pleine évolution. Ceci pour vous rappeler simplement ce que je vous ai dit dans les séances précédentes, c'est qu'il y a une véritable ingénierie de ces anticorps maintenant. Pas forcément les anticorps naturels, si vous voulez, que l'on isole, même s'ils sont humains ou humanisés, comme je vous les ai expliqué. Mais maintenant, on joue avec les domaines pour obtenir des combinaisons plus ou moins efficaces, qui sont plus ou moins stables, qui passent ou non les barrières des tissus, etc., etc. Donc, il y a toute une ingénierie, une véritable biochimie, évidemment, de ces anticorps. Comme je vous ai parlé les fois précédentes de ces autres classes de molécules beaucoup moins connues mais très surprenantes dans ses propriétés que sont les aptamères, je vous en dis encore un mot parce que il y a pas mal de travail qui est en train de se faire pour essayer d'explorer les capacités de ces aptamères, non pas seulement en tant qu'agents de diagnostic, puisque ce sont des molécules d'acide nucléique dotées sélectionnés pour avoir des propriétés de reconnaissance spécifiques. Et donc, finalement, ils ont, entre guillemets, des propriétés de reconnaissance d'anticorps avec une chimie totalement différente. Parce que les anticorps, c'est bien entendu les acides aminés, les protéines, les acides aminés, et les aptamères, ce sont les acides nucléiques et l'enchaînement des nucléotides qui finit par donner une forme spécifique et qui colle bien. Alors, la question, là, c'est que est-ce que ces aptamères vont pouvoir être efficaces en clinique? Pourquoi pas? Et donc, il y a beaucoup de recherches là-dessus, y compris des recherches qui portent sur un domaine qui m'avait, je dois dire, assez échappé, à savoir qu'il y a tout un champ de recherche qui voudrait aujourd'hui développer des antidotes pour contrôler l'activité des produits que l'on administre. La raison étant que l'on se rend compte de plus en plus, et j'y reviendrai dans ma conclusion, que la médecine va se personnaliser. Simplement, nos paramètres sont assez différents les uns des autres pour des tas de raisons. Les doses qui sont administrées ont parfois besoin d'être ajustées, d'où l'idée d'avoir des antidotes, et les aptamères peuvent servir d'antidotes puisqu'ils se complexent à un certain nombre de produits et donc ils peuvent servir d'antidotes. Et vous avez là une référence qui vous donne une piste de lecture si vous le souhaitez. Et voilà le dernier exemple, c'est un exemple de couplage cette fois entre ces petits ARN inhibiteurs qui sont capables d'inactiver des gènes avec des aptamères. L'aptamère est censé être l'équivalent d'un anticorps et piloter l'ARN vers une cible. Et donc, dans l'exemple que je vous cite, c'est un modèle cette fois, donc on est très loin d'être chez l'homme, mais ce sont des tumeurs de la prostate transplantées chez une souris, et ces tumeurs ont à la surface un antigène, PSMA, pardon, et donc un aptamère PSMA est couplé à un petit ARN, voilà à peu près à quoi ça ressemble, et quand l'aptamère est couplé au petit ARN, il va se coller sur la tumeur, puisqu'il est spécifique de l'antigène de la tumeur, et il aide le petit ARN à pénétrer, et dans ce papier, ils décrivent, pour la première fois, je crois, un système qui réduit, dans ce modèle, qui réduit la croissance tumorale grâce au petit ARN piloté en quelque sorte par l'aptamère en question. Ceci pour vous dire qu'il y a beaucoup de pistes de développement au niveau de ces petits ARN Et puis, je vous donne ici, sans commenter, quelques références récentes sur l'immunothérapie cellulaire, dont je vous ai dit qu'elle progresse maintenant de façon significative, mais ce n'est pas l'objet de ce cours. Donc, je vous ai indiqué quelques applications qui se tendent à se développer dans le domaine des cancers et des maladies auto-immunes. Et maintenant, je voudrais aborder la question du terrain génétique. Alors, le terrain génétique, c'est quelque chose de bizarre. Les médecins parlent beaucoup du terrain, et c'est une notion intuitive. Il y a des gens qui ont un terrain plus favorable que d'autres à telle vaccination, ou de façon négative, ils sont plus susceptibles que d'autres à attraper la grippe, ou je ne sais pas quoi. Bon. Et la question est de savoir si ce terrain, qui est une notion, encore une fois, assez mal définie, mais très importante, évidemment, en médecine, si ce terrain a une composante génétique. Et bien entendu, il a une composante génétique, puisque nous savons maintenant que nous avons énormément de différences dans le génome et que certaines interviennent, et c'est ce que je vais vous montrer dans un instant. Et je vais prendre un détour pour ça, qui peut vous surprendre, mais je pense que c'est important pour penser l'avenir des choses. Je voudrais vous parler, pour commencer, des réseaux d'interaction génétique. Donc on va faire dans quelques minutes de la génétique un peu lourde, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le travail que je cite ici a été fait dans la levure, donc on est bien loin des applications chez l'homme. Mais dans la levure, voilà ce qu'on peut faire. On peut définir des interactions génétiques parce que si vous prenez une mutation dans un gène et une mutation dans un autre gène, vous combinez les deux mutations et vous regardez si la levure dans laquelle ces deux mutations sont combinées a un comportement, c'est-à-dire un phénotype, pardon, qui dévie de ce que vous attendez. Par exemple, vous pouvez combiner deux mutations qui ont l'air inoffensives et la levure meurt, enfin elle ne pousse pas. Bon, ça c'est inattendu, ce n'est pas ce que vous attendiez puisque les deux étaient inoffensives, entre guillemets. Et donc, lorsque vous avez multiplication des effets, c'est qu'il y a une synergie entre les deux. Et en fait, quand vous interprétez très simplement les choses, lorsque vous avez une interaction négative, ça veut dire que vous avez des gènes qui interviennent dans des voies parallèles, en matière de voies parallèles essentielles. Rappelez-vous que beaucoup de circuits importants dans les organismes vivants sont redondants. Et donc, bien sûr, lorsque vous inactivez l'une des voies, l'autre fonctionne toujours. Mais si vous inactivez les deux, ça ne fonctionne plus. Donc c'est en gros ce que je suis en train de dire. Et là, vous avez une interaction génétique entre les deux. Ce sont deux voies parallèles. Et puis l'interaction positive, ça renvoie au fait que vous pouvez, de temps en temps, cela vous guide plutôt vers cela vous indique l'existence souvent de complexes moléculaires, de telle sorte que quand vous inactivez l'une des molécules, en fait, parfois, vous dérégulez le complexe et vous obtenez un effet positif. Bref, voilà le principe des réseaux d'interaction génétique. Alors, ce que je voulais vous montrer, c'est que ça a pris une ampleur intéressante du fait que les levuristes constituent une communauté organisée depuis une quinzaine d'années ou une vingtaine d'années. Ils ont été parmi les premiers à s'organiser. Vous savez que je tiens beaucoup à cette notion des réseaux sociaux en sciences. Ils ont été parmi les premiers à s'organiser pour faire la séquence de la levure. Et puis, ensuite, ils se sont mis d'accord pour faire des collections de mutants et ils ont muté tous les gènes. Voilà. La séquence avait donné les gènes de la levure, tous les gènes de la levure. Ils se sont mis d'accord entre eux pour muter tous les gènes. Il y a 6000 gènes, ils ont muté tous les gènes. Donc, il y a des collections, il y a disponibles dans certaines conditions, avec 6000 mutants de la levure, donc une levure mutante, etc. Bien entendu, quand vous avez un gène qui est essentiel, vous ne pouvez pas avoir le mutant, et la bestiole crève, donc il n'y a pas moyen, donc vous la conservez sous forme de ce qu'on appelle des diploïdes hétérozygotes. Donc, il y a des moyens de faire ça. Voilà. Et donc, vous avez ces collections qui, maintenant, peuvent être exploitées. Et dès 2004, un travail avait été fait en interrogeant 132 gènes essentiels pour leur interaction avec 4800 gènes non essentiels. Et ça, c'est faisable avec des techniques qui automatisent à la fois la fabrication des doubles mutants et surtout leur observation et l'observation de leur phénotype. Alors, il y a maintenant des variantes où on utilise la protéine fluorescente verte et on utilise le trieur de cellules pour etc., etc. Il y a surtout ces techniques que j'ai évoquées aussi avec vous dans lesquelles on marque les gènes et donc ensuite les souches avec des codes-barres. Et ensuite, on peut repérer sur des puces qui ont les codes-barres. On peut faire des expériences où on mélange beaucoup de cellules en même temps pour augmenter les débits. Et j'en arrive directement au résultat. Si la technique vous intéresse, vous la trouverez dans ce papier de Science, où ils ont interrogé maintenant 1712 gènes, dont 334 essentiels, ce qui donne 5 millions de paires de gènes. Et ils ont découvert 170 000 interactions génétiques. Donc, en fait, à ce niveau de complexité, ils rebâtissent un réseau, si vous voulez. C'est le réseau des interactions génétiques. Et la question qui est intéressante, c'est qu'on avait un réseau, on obtient par les autres techniques moléculaires, on obtient des réseaux, par exemple, de transcrits, hein, la manière dont les gènes sont transcrits, est organisé dans des réseaux, et ça date de 2001-2002, donc c'est un peu plus vieux, puisque la transcriptomique est plus ancienne. Et les interactions génétiques, cette fois au niveau des phénotypes, sont organisées dans une carte fonctionnelle. Et voilà ce cliché du réseau qui est superbe. Je crois que je vous l'aurais montré, même si je ne vous en avais pas parlé. Ces réseaux sont organisés de telle sorte que vous voyez des taches colorées qui identifient des sous-réseaux fonctionnels au sein de cet énorme réseau d'interactions génétiques, hein, j'insiste. Alors vous voyez que là, vous en avez un qui est particulièrement ciblé sur la réplication de l'ADN et sa réparation, la sécrétion des vésicules et le transport des vésicules, etc. Ce que vous voyez de façon plus détaillée ici, où ces sous-réseaux ici sont maintenant dégagés de la carte principale et vous montrent cette organisation où chaque point donc représente une interaction génétique entre au moins deux gènes. Donc c'est une autre manière d'approcher évidemment la manière dont les cellules fonctionnent. Bien entendu, comme vous vous en doutez, on n'est pas à ce degré de finesse ni chez la souris ni chez l'homme, mais on peut déjà s'interroger chez la levure sur la comparaison que l'on peut faire entre la structure globale des réseaux que l'on obtient par cette voie ou par les autres voies. Et la bonne nouvelle, c'est que ça colle plutôt pas mal. Et notamment les gènes qui sont fonctionnellement reliés par ontologie. Donc l'ontologie, hein, c'est le système de description, c'est le dictionnaire, si vous voulez. C'est le dictionnaire des fonctions telles qu'on les connaît à tout instant, puisqu'évidemment ça évolue dans le temps au fur et à mesure que l'on découvre de nouvelles choses. Et donc, en gros, la structure de ces réseaux colle assez bien avec la structure des réseaux appréhendés autrement, et notamment par l'ontologie. Donc, un point qui est intéressant, c'est que maintenant, si vous comparez des espèces, puisqu'il y a des travaux semblables qui sont en cours dans plusieurs espèces, vous trouvez, ce qui n'est pas tellement surprenant, parce qu'on l'a déjà observé un certain nombre de fois, que les réseaux sont assez différents les uns des autres, et cela nous indique, et je reviendrai là-dessus rapidement en conclusion, que l'évolution remodèle ces réseaux de façon extrêmement vigoureuse. Donc chez les mammifères, comme je vous l'ai dit, on est loin d'en être là, mais quand même, ça commence à venir, parce qu'on dispose maintenant de librairies de petits ARN qui interfèrent avec la fonction. Donc, ces ARN sont des ARN qui se collent, disons, pour dire de façon beaucoup trop simple, enfin pour dire les choses, se collent soit au début du gène, soit sur l'ARN messager, et de cette façon bloquent assez bien l'expression du gène. Donc, on dispose aujourd'hui de librairies de petits ARN qui ciblent des milliers de gènes, enfin, en l'occurrence, 1000 gènes humains. Et donc, ces librairies sont en vente, d'ailleurs. On achète ça comme des kits. Et donc, vous pouvez prendre une lignée cellulaire ou des cellules, vous balancez, si je peux dire, dessus ces mélanges de petits ARN, et vous regardez ce que c'est inactif et ce que ça déclenche comme différence phénotypique. On commence même à essayer de faire ça in vivo chez la souris pour faire des expériences chez la souris. Donc on est très loin de ces expériences de construction génétique, mais on n'est pas loin d'y arriver. Et je vous rappelle quelque chose que je vous ai indiqué la dernière fois, c'est qu'on commence alors en immunologie à utiliser ces librairies d'ARN interférents, pardon. On commence à les utiliser alors, avec des visées immunologiques de façon de plus en plus fréquente. Il y a d'ailleurs des ARN interférents qui sont tout à fait spécifiques de certaines fonctions immunitaires, donc c'est un domaine là encore en pleine évolution. Et puis on commence à faire du code barre dans les cellules du système immunitaire, donc avec des marquages complexes pour arriver à terme à faire une espèce de génétique interne du système immunitaire. Le système immunitaire, comme vous le savez, peut être effectivement vu comme un système darwinien en soi. Il y a toutes sortes de sélections qui se produisent à l'intérieur, et donc si vous arrivez à marquer suffisamment de cellules avec les moyens de les détecter, il est clair qu'on parviendra beaucoup mieux à comprendre certaines des sélections qui opèrent dans le système. Donc voilà, c'était ma partie de génétique un peu abstraite, si vous voulez, mais qui, à mon avis, dégage une voie d'avenir intéressante à réfléchir. Les voies habituelles sont beaucoup plus classiques et nous vont nous ramener au séquençage dont je vous ai déjà beaucoup parlé. D'abord, il y a toute une lignée de travaux qui portent sur l'analyse des gènes, l'identification d'abord, et l'analyse des gènes de sensibilité et de résistance aux maladies infectieuses. Alors, ce sont des travaux, là j'ai pris quelques références récentes de notre collègue et ami Jean-Claude Casanova, Jean-Laurent, pardon, Casanova, pardonnez-moi, qui a identifié, comme quelques autres groupes dans le monde, mais c'était l'un de ceux qui a beaucoup contribué à ce domaine, identifié en partant de cohortes de patients sensibles, particulièrement sensibles à une maladie, il est parvenu à remonter aux gènes responsables de cette sensibilité. Pour la petite histoire, il avait commencé avec une cohorte de fait du petit nombre d'individus qui sont sensibles au BCG. Vous avez un certain nombre d'enfants que l'on vaccine par le BCG et qui développent ce qu'on appelle une BCGite. Alors, le BCG est un vaccin vivant. Il est censé ne pas se développer chez l'individu puisqu'il stimule la réponse immunitaire qui cause la vaccination et qui évite toute maladie. Mais dans un cas sur, je ne sais pas combien de centaines de milliers, c'est très très rare, donc les cohortes sont de quelques dizaines de personnes en France, il y a une réaction à la BCGite et la découverte de la cause a été très très, très entendue parce que ce n'est pas que certains individus soient plus sensibles, entre guillemets, au vaccin que d'autres, ou pas comme on le croyait, ou ce n'est pas que le vaccin soit un peu impur et qu'il faille le purifier plus, ce n'est pas du tout ça. La vaccination révèle que certains enfants sont des mutants, et ils ont des immunodéficiences cachées qui sont révélées par la vaccination. Donc c'est l'extension de cette lignée de travail qui nous donne ici un certain nombre d'observations. Mais avant ça, je reprends un cliché dans un des articles de Jean-Laurent Casanova et de ses collaborateurs, qui nous montre de façon importante, enfin très, très visuelle, ce qu'est le terrain génétique. Parce qu'après tout, voilà donc en haut le pédigré de la famille de Louis Pasteur et en bas le pédigré de la famille de Darwin. Malheureusement, dans les enfants de Louis Pasteur, vous voyez que 3 sont morts de maladies infectieuses, très probablement, et autant dans la famille Darwin. Alors que la question, c'est évidemment pourquoi sont-ils morts okay. Mais l'autre question, c'est pourquoi les autres ne sont pas morts, puisqu'après tout, ils devaient baigner dans le même milieu infectieux. Hein. Et donc, la question du terrain génétique, c'est ça. C'est aussi de comprendre comment se fait-il qu'il y ait de telles différences entre les individus par rapport à une même situation, un même environnement infectieux. Alors, voilà ce que une liste des traits mendéliens qui détermine des trous dans la défense immunitaire aux infections. Et vous remarquerez que dans ces gènes, pour les spécialistes, il y a un certain nombre de gènes qui sont des gènes du système immunitaire. Par exemple, vous voyez des gènes ici qui interviennent dans le relais des toll-like receptors de l'immunité innée. Et ce sont donc pour beaucoup des immunodéficiences qui sont encore une fois repérées, qui sont rares, peu répandues dans la population et qui donnent des sensibilités accrues qui à la tuberculose, donc au BCG, qui à l'herpès ou d'autres virus. Alors, arrive ici une distinction qui n'est pas si commode à gérer, c'est la distinction entre le système immunitaire et les défenses. Parce que, évidemment, c'est une question de sémantique, si on veut, ou de centre d'intérêt, mais enfin, il y a des systèmes de défense dont on a un petit peu de mal à dire qu'ils sont immunitaires. Je vous en donne un ici, qui est un travail récent, qui touche à la sensibilité à la malaria. Et ces auteurs ont découvert que la sensibilité à une partie des plasmodium vivax, est liée à un déficit en une enzyme qui s'appelle la G6PD. Il y a deux points intéressants dans ce travail. D'abord, c'est un déficit essentiellement métabolique, je pense, qui s'est répandu dans certains coins du globe, puisqu'en Thaïlande, à peu près 12% de la population possède une mutation particulière de ce gène. Il y a deux points intéressants. Le premier, c'est que cette mutation confère une protection contre le plasmodium vivax et non pas plasmodium falciparum. La malaria est liée à plusieurs types de plasmodies et en gros, jusqu'à une époque récente, beaucoup d'attention a été portée sur plasmodium falciparum et plasmodium vivax a été laissé un peu de côté. Et on découvre aujourd'hui que plasmodium vivax est très important et a été très important puisque cette mutation G6PD protège contre plasmodium vivax et pas contre plasmodium falciparum. Et un point très intéressant, c'est qu'on peut dater l'émergence de la mutation. C'est extraordinairement récent. Elle a commencé à se répandre depuis seulement 1500 ans. Et maintenant, comme vous le verrez dans un instant, on commence à pouvoir corréler certaines des distributions de ces mutations avec des phénomènes épidémiologiques d'un autre type, comme la naissance et la répartition des vecteurs, c'est-à-dire en l'espèce des moustiques. Donc j'en arrive maintenant à vous parler donc de l'analyse des polymorphismes génétiques chez l'homme. Là, on est dans un autre type de génétique, si vous voulez. On analyse l'ADN, quoi. On analyse les génomes. Et on peut le faire de plusieurs manières. La première, ce serait de dire on séquence les génomes des individus. Comme vous le savez, j'y reviendrai, c'est bien gentil, mais enfin, pour l'instant, ça coûte très cher et on n'a pu le faire que pour une pas une poignée d'individus, mais quelques dizaines et peut-être aujourd'hui quelques centaines d'individus, donc ce n'est pas un instrument de travail qui aujourd'hui est encore courant. En revanche, ce qui est beaucoup plus courant, c'est d'analyser les, ce qu'on appelle les polymorphismes génétiques, et notamment les SNP, qui sont les polymorphismes génétiques qui affectent un seul nucléotide dans la séquence, avec des instruments qui, là encore, sont des puces remplies de bourrées d'oligonucléotides différents qui ont été fabriquées de façon à mesurer s'il y a ou non polymorphisme à tel ou tel endroit du génome. Je vais revenir là-dessus. Et là, j'ai simplement rassemblé ces références parce que c'est très intéressant et que ça m'intéressait beaucoup sur le fait que c'est maintenant un instrument pour étudier l'histoire et la géographie. Ça avait commencé d'ailleurs il y a quelques dizaines d'années avec l'étude du HLA qui avait permis de repérer certaines migrations chez l'homme, mais ça se développe maintenant énormément. Et avec des découvertes intéressantes, comme par exemple le fait qu'il n'est pas, enfin, il est probable qu'il y ait beaucoup de mutations qui soient répandues à partir du moment où l'agriculture a été introduite, pour des raisons que je vous donnerai dans quelques instants. Mais voilà par exemple des exemples de distribution géographique entre SNP différents ou pas différents. Quand c'est rouge, là, c'est que c'est très caractéristique d'une région. Quand c'est bleu, c'est de l'autre. Vous voyez qu'on peut avoir des distinctions extrêmement tranchées en termes de, ou parfois mélangées, bien sûr, mais en termes de migration, de cartographie de ces SNP dans des populations variables. Ici, incidemment, c'est la comparaison entre des populations africaines et des populations françaises, je crois. Ici, c'est les Français contre les Chinois, etc. Donc, il y a énormément à apprendre sur le plan de l'histoire et de la géographie, sans compter, incidemment, la séquence récemment publiée de l'homme de Néandertal, comme vous le savez. Alors, je reviens au polymorphisme pour être un peu plus précis et vous redonner quand même à peu près la trajectoire. La trajectoire, c'est comme vous le savez, en 2001, c'est la date du séquençage, dite du séquençage du génome humain, deux séquences de référence ont été produites. Elles venaient de plusieurs donneurs, ça a été le fruit d'un travail de beaucoup d'années, de centaines de millions de dollars, etc. Et ce sont les séquences que l'on qualifie de séquences de référence. Et puis ensuite, les choses se sont développées parce que l'instrumentation a beaucoup évolué. Et en 2007, Craig Venter, qui était l'un de ceux qui a séquencé le génome humain de référence, l'un des génomes humains de référence, pardon, il s'est séquencé tout seul. Donc il a pris son ADN et puis il s'est séquencé. Et puis c'est l'ADN de Jim Watson, le découvreur de la double hélice, qui a été séquencé ensuite. Et puis ensuite, il y a eu un Asiatique, des Africains, etc., etc. Alors le point, c'est que lorsqu'on dispose de ces séquences, on peut voir où elles diffèrent, et notamment où elles diffèrent, comme je l'ai dit, d'un seul nucléotide. Et l'ampleur du phénomène est importante parce que, je vous donne le résultat, le chiffre habituel, c'est que deux individus pris au hasard diffèrent par plusieurs millions de nucléotides. En fait, lorsqu'on regarde les single nucleotide polymorphes, les SNP, on trouve des millions et des millions de différences qu'il ne faut pas forcément cumuler. Enfin, les chiffres que je vous indique ici sont des chiffres qui sont cumulés sur tout ce qu'on a trouvé, donc sur plusieurs individus. Donc, deux individus peuvent ne différer, par exemple, que par 5 millions de SNP. Mais quand on accumule les individus, on va en trouver de plus en plus. Bon. Et donc, on se limite d'habitude à ceux dont la fréquence est de plus de 5% dans la population. Et à partir de ça, encore une fois, on synthétise les oligonucléotides correspondants, on fait des puces. Et avec ces puces, on peut interroger des millions de SNP différents pour, dans un nouvel échantillon, savoir si tel SNP ou son variant est présent chez l'individu déterminé. On peut obtenir un signal d'hybridation. Bien entendu, c'est beaucoup moins onéreux et beaucoup plus facile, même si c'est quand même assez lourd, que de faire la séquence totale du génome, qui, encore une fois, n'est pas encore tout à fait accessible, et j'y reviendrai. Et donc, c'est une mesure des différences plutôt que de faire tout le total et trouver les différences. Alors, bien entendu, quand vous mesurez les différences, vous faites des hypothèses sur l'endroit où se trouvent les différences, vous vous concentrez sur les SNP les plus fréquents et vous travaillez en gros là-dessus. Ce faisant, vous ignorez forcément un certain nombre de choses. La première chose, c'est qu'il y a des mutants et des variants qui se produisent de novo dans l'individu. Chaque fois qu'une de nos cellules se divise, il doit apparaître 1, 2 ou 10 de ces SNP, puisque le taux de mutation est d'habitude évalué à 10-9, et que nous avons 3 milliards de paires de bras. Donc, si on prend les chiffres, chaque fois qu'une cellule se divise, vous avez 3 mutations. Donc, puis ça se divise, ça s'accumule. Donc, des SNP, ils s'en accumulent forcément dans l'organisme des novos. Ça ne veut pas dire qu'ils font quelque chose, bien entendu. Beaucoup de ces SNP sont situés dans des zones qui sont qualifiées de non fonctionnelles ou pas, en tout cas n'ont pas d'effet particulier. Alors l'autre chose qui est un peu plus gênante, c'est qu'il y a beaucoup d'autres mutations que les SNP qui sont beaucoup plus difficiles pour l'instant à mesurer, des insertions, des délétions, enfin tout ce dont je vous ai parlé d'ailleurs à propos des cellules cancéreuses, des substitutions de blocs, des translocations, etc. C'est beaucoup moins facile. De telle sorte que ce qu'on appelle GWA, c'est-à-dire les Genome-Wide Associations, donc les comparaisons génome à génome, sont en fait, la plupart du temps, souvent limitées aux SNP, c'est-à-dire aux différences ponctuelles, et on estime qu'en gros, on en regarde seulement entre 20 et 50%. Donc, on ne voit pas tout, et ça va devenir important dans un instant. On ne voit pas tout et on ne sait pas si on voit le plus important. Pour donner les ordres de grandeur, donc pour chaque individu, on admet en général qu'il y a 4 millions de variations, en gros, ce qui représente quand même 12 mégabases de séquences. Je vous rappelle que la bactérie Escherichia coli, c'est 4 millions à peu près de paires de bases, et donc c'est 3 génomes bactériens de différence entre deux génomes humains pris au hasard. Voilà les ordres de grandeur. Bon. Alors, la question, bien sûr, ce sont les analyses d'association avec les maladies, et ensuite j'arriverai à des questions plus spécifiques. L'idée, bien sûr, c'est que vous mesurez ces SNP, donc le profil de ces SNP, par million, hein, encore une fois, avec ces techniques de puces. Vous les analysez et vous ensuite vous essayez de mettre en relation ce que vous observez avec un phénotype, le phénotype en l'espèce étant une maladie, donc le diabète de type 2 par exemple. Et donc vous prenez X patients atteints du diabète de type 2 et vous faites leur profil et puis vous cherchez à repérer dans ces profils ce qui est suffisamment semblable ou dissemblable pour vous donner une piste et une sorte de signature. On revient toujours à cette même notion de signature à partir d'un ensemble de données complexes, c'est-à-dire l'extraction par des techniques mathématiques et informatiques de ressemblances ou de particularités partagées qui soient significatives au plan statistique. J'en profite pour dire que dans ces domaines, la statistique est absolument, absolument essentielle. Et donc, effectivement, lorsqu'on fait ce travail, et j'en arrive juste après à ce que ça donne en matière d'immunologie, mais lorsqu'on fait ce travail dans le diabète de type 2 ou dans d'autres maladies, on identifie effectivement des SNP qui sont associés à la maladie, mais il y a des problèmes. Et il y a deux problèmes. L'un n'est pas vraiment un problème, c'est intéressant. On se rend compte que certains de ces SNP, qui parfois signifient une association avec des gènes déterminés, mais pas toujours, certains de ces SNP sont associés à plusieurs maladies. Bon, ça, c'est pas trop surprenant, parce que si vous avez une déficience dans un récepteur d'interleukine, par exemple, vous pouvez imaginer que vous êtes sensible à une maladie auto-immune, plus autre chose. Donc ça, ce n'est pas trop perturbant. Ce qui est vraiment perturbant, c'est que dans un exemple comme le diabète de type 2, aujourd'hui, on a repéré 18 variants SNP qui sont associés au diabète. Et le problème, c'est que le calcul montre que ça n'explique que 4% du risque. Donc on est à côté de la plaque quelque part. On ne comprend pas encore comment le terrain génétique que l'on découvre par ces SNP est associé réellement à la maladie. Donc voilà une table illisible, mais qui vous donne l'état de l'art d'il y a un an en matière de SNP et d'association aux maladies. Vous pourrez, si ça vous intéresse, regarder la référence pour avoir les détails. Donc, si vous voulez, on est aujourd'hui à un stade où les progrès de la génétique, et notamment du séquençage, mais également des interrogations, des différences par les puces, etc., ont fait des progrès tout à fait importants et permettent d'accumuler beaucoup de données. Mais on est à un stade où encore les associations avec les maladies ne sont pas bien comprises ou bien cernées, et on ne sait pas trop pourquoi, ou du moins, moi, je ne comprends pas trop pourquoi. Donc, j'en arrive, après tout ce chemin, aux analyses que l'on peut faire en matière d'immunologie. Et je vous cite ici un article publié récemment par l'équipe de Luis Quintana Murci, à Pasteur, et qui est un travail extrêmement intéressant sur la manière d'appréhender les choses sur le plan évolutif. Donc, c'est un travail qui est fait entièrement in silico, comme on dit, c'est-à-dire c'est juste de la comparaison de séquences. Et l'une des voies qu'a pris Luis Quintana Murci, ça a été d'analyser les différences de séquences entre l'homme et les primates, en se disant, ben, après tout, si on peut repérer des choses, des sensibilités différentes aux infections, on doit pouvoir repérer un certain nombre de choses. Mais je devrais dire ici que ces différences sont inscrites également dans l'arbre des différences observées entre différents humains, et donc c'est dans une perspective évolutive plus large que la simple comparaison entre primates et hommes, mais également de la comparaison entre hommes et hommes, si je peux dire. Alors, je vous donne l'un des principes tout à fait simples et habituels de ce type d'analyse, et bien sûr, c'est beaucoup plus sophistiqué, mais l'une des manières de faire, comme vous savez, c'est de regarder l'évolution, enfin les différences des mutations qui sont significatives parce qu'elles altèrent la séquence d'une protéine, donc par rapport aux mutations qui sont silencieuses, qui n'altèrent pas la séquence parce qu'elles se trouvent notamment sur la troisième lettre des codons. Et donc, l'idée générale, c'est que quand ça n'affecte pas la séquence de la protéine, la mutation est strictement neutre. Quand ça affecte la séquence de la protéine, il y a des chances qu'il y ait une force sélective derrière parce que la protéine change de structure, ou peut changer, pardon, de structure ou de fonction. Voilà le béaba du béaba de ce genre d'études. Mais ça permet d'analyser, premièrement, les gènes qui codent pour les protéines elles-mêmes. Deuxièmement, on peut regarder également l'évolution des familles de gènes. On peut regarder l'évolution des séquences non codantes et on peut faire des classements dans tout ça. Et puis ensuite, on peut annoter et dire est-ce que dans les gènes qui sont conçus, compris, connus pour faire partie du système immunitaire ou avoir des fonctions de défense, est-ce que dans ces gènes, l'évolution est différente de celle d'autres gènes qui servent de référence. Voilà l'approche. Et la réponse est que, oui, il y a une différence, c'est qu'en gros, les gènes qui sont annotés comme immunitaires dans certains, et notamment les familles de gènes annotées comme immunitaires, évoluent plus vite que la moyenne. Et cela peut vouloir dire que l'homme, depuis qu'il est homme, est soumis à des pressions de sélection extrêmement importantes, ces pressions de sélection étant probablement de nature infectieuse. Alors pourquoi sont-elles possiblement de nature infectieuse? Parce que lorsque ces auteurs analysent les gènes qui sont les plus différents chez les primates et chez les chimpanzés, ils s'aperçoivent que certains d'entre eux, pardonnez-moi, ils s'aperçoivent que certains d'entre eux sont effectivement liés à des phénomènes infectieux. Alors, des phénomènes infectieux, soit des phénomènes immunitaires stricto sensu, comme je vous l'ai dit, soit des phénomènes de défense au sens plus large, comme je l'ai expliqué à propos de la malaria. Mais par exemple, quand ils analysent la séquence des protéines et qu'ils regardent, ils comparent l'homme au chimpanzé, ils identifient 84 gènes dont l'évolution est plus rapide que les autres, nettement plus rapide que les autres. Sur ces 84 gènes, il y en a une partie qui sont évoluées plus rapidement chez l'homme, l'autre qui a évolué chez le chimpanzé. Mais le point qui est très intéressant, c'est qu'une bonne fraction de ces gènes, un tiers, sont impliqués dans l'infection par le VIH, ou du moins par des rétrovirus, ou du moins peuvent être soupçonnés pour tels, puisque lorsque, par exemple, vous trouvez qu'un récepteur qui intervient dans l'infection par le VIH évolue plus vite que d'autres gènes, vous pouvez évidemment faire l'hypothèse que c'est à cause de la présence du VIH chez le chimpanzé en l'espèce, et puis chez l'homme ensuite, ou encore que c'est un virus relié au VIH, ou que peut-être c'est un virus inconnu, ou que c'est de la classe des rétrovirus, vous êtes dans l'hypothèse. Néanmoins, ce qui apparaît, c'est que pas mal des gènes qui sont identifiés comme étant évolutivement plus fragiles, si je peux dire, ou évoluant plus rapidement que les autres, sont connus pour, d'une manière ou d'une autre, pour être liés à des phénomènes infectieux. Alors, si on regarde maintenant strictement les gènes immunitaires qu'on trouve, et surtout ceux que l'on trouve dans des familles de gènes, évidemment, les familles de gènes sont différentes au niveau évolutif, puisque si vous avez un gène isolé, il évolue par mutation dans le gène. Mais les familles multigéniques peuvent évoluer différemment, puisqu'elles peuvent se dilater, se contracter au niveau du nombre des gènes eux-mêmes, par des mécanismes génétiques de recombinaison non réciproque, etc. Donc, les gènes immunitaires de l'homme, à l'état souvent de familles multigéniques, oui, il y a une évolution qui a l'air particulière de ces gènes immunitaires. Donc 360 ont été identifiés comme étant appartenant stricto sensu au système immunitaire ou annotés comme tels. Et une bonne moitié a été vérifiée, la vérification étant qu'il y a d'autres indications dans la littérature qu'ils évoluent également rapidement. Alors, leur proportion a augmenté en 30 000 ans, et cela nous donne une interprétation assez plausible, en tout cas, qu'on ne peut pas rigoureusement démontrer, mais l'interprétation assez plausible est la suivante, c'est que il y a 30 000 ans environ est née l'agriculture. Avec l'agriculture, il s'est passé deux phénomènes. Le premier, c'est une explosion démographique importante, donc la population humaine a commencé à croître. Et la deuxième, c'est que les populations ont commencé à voyager, à se mélanger beaucoup plus qu'avant. Et donc, vous avez deux facteurs qui sont susceptibles d'influencer le développement des maladies infectieuses. L'effet de taille des populations et les effets de migration et de mélange des populations. Et donc, l'idée générale est que c'est bien de cette époque que date une explosion de pathologies infectieuses, accompagnée par des évolutions génétiques repérables dans les séquences. Certaines étaient connues, comme certaines mutations dans le HLA, et que l'ensemble du phénomène infectieux a probablement été modifié considérablement au cours des 10 ou 15 000 années qui nous précèdent. dans ces phénomènes infectieux, vous trouvez la résistance à ces phénomènes infectieux, vous trouvez toutes sortes de choses, comme je l'ai dit. Vous trouvez d'une part des mutations et des évolutions dans le système immunitaire, et vous trouvez également des dispositifs de défense comme ceux que j'ai cités à propos de la malaria. Je vous recite le plus classique d'entre eux, qui est l'anémie falciforme et le fait qu'une maladie non mortelle, disons, des globules rouges protège contre la malaria. Et bien qu'elle mette les individus dans un état de désavantage sélectif, théoriquement, en réalité, en fonction de l'environnement, les individus sont en fait sélectionnés positivement parce que sinon ils mourraient de la pathologie infectieuse. Et donc on pense aujourd'hui que la malaria tout particulièrement, avec maintenant ces deux composants de Plasmodium falciparum mais aussi de Plasmodium vivax, a joué un rôle important dans l'évolution des gènes humains et de la... des gènes humains et probablement des populations humaines. Alors, je reprends. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, pardonnez-moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une autre corrélation qui se développe, c'est celle de la date de spéciation des vecteurs. Et les vecteurs, ce sont les moustiques qui transportent le parasite ou les parasites de la malaria, c'est-à-dire les plasmodies. Et donc, la date de spéciation du vecteur Anopheles gambii est estimée à 10-15 000 ans aussi. Et donc, tout ceci commence à donner un tableau de l'évolution du système immunitaire, mais également, bien sûr, de l'évolution des populations humaines. On peut faire un petit peu plus précis que ça, et je vous le cite pour terminer cette section, on peut faire un tout petit peu plus précis que ça, dès lors qu'au lieu de vouloir analyser la totalité des génomes, on se dit, bon, je prends un groupe de gènes qui est important, et puis je concentre mon analyse sur les gènes en question. Parce que si vous faites ça, vous êtes en mesure de reprendre les zones qui sont sensibles, enfin qui sont importantes pour vous, parce qu'elles sont ciblées, ce sont quelques gènes ou une région génétique, et donc là, vous pouvez refaire du séquençage, ça redevient raisonnable, alors que ça ne l'est pas pour l'instant sur la totalité du génome humain. Et donc, voici un exemple d'études concentrées qui permet d'analyser une région donnée ou des gènes donnés. Ce sont les fameux Toll-like receptors, les TLR, qui sont très importants dans la réponse innée, donc dans l'immunité innée. Et donc, différents auteurs se sont concentrés sur ces gènes, ont reséquencé ces gènes chez une cinquantaine ou une centaine d'individus pour arriver à une description, cette fois ciblée, des polymorphismes qui vous donne par exemple ce genre de choses. Pour prendre l'un de ces gènes, vous avez un grand nombre de mutations qui sont repérées chez les individus et qui définissent ces polymorphismes dont je vous ai parlé. Pour conclure cette partie, je dirais que la notion donc de polymorphisme génétique est une notion qui prend énormément d'ampleur et qui va avoir une importance croissante dans les années qui viennent, et je vais y arriver dans un instant, parce que les instruments sont là et parce que les données s'accumulent et parce que une partie des données commence réellement à faire sens. Il n'empêche que la notion même de terrain génétique que j'évoquais est une notion qui reste encore floue et qu'on ne sait pas encore bien définir. Il n'empêche qu'il y a une véritable réalité derrière. Il est absolument clair que nous ne sommes pas génétiquement égaux devant pas mal de maladies. Je voudrais maintenant en arriver à quelques conclusions qui vont conclure cet ensemble de cours. Donc je vais reprendre un petit peu les choses et vous donner maintenant ce que j'appréhende à partir de cette masse de travaux importante que je vous ai décrite. D'abord, je crois qu'il est indubitable que nous assistons à une poussée technologique qui est considérable. En matière de séquençage des génomes, nous l'avons vu abondamment, en matière d'analyse transcriptionnelle, ce qu'on appelle le transcriptome, les analyses biochimiques, nous avons vu les analyses de protéomes, donc des protéines, du métabolome, c'est-à-dire des métabolites, etc., font des progrès importants. Le développement de la fluorescence est quelque chose qui est très, très essentiel parce que ça ouvre toutes sortes de nouveaux systèmes de visualisation et de détection. Pour ce qui concerne la cytométrie de flux, je vous ai montré qu'elle permet aujourd'hui de détecter des centaines de sous-populations différentes et même de les purifier. L'imagerie, surtout chez la souris, a fait des progrès énormes. Et en matière de réactifs spécifiques, c'est-à-dire d'anticorps et d'aptamères, eh bien nous avons maintenant une batterie d'instruments considérables. Et non seulement une batterie d'instruments, mais une batterie de réactifs spécifiques et une chimie qui va avec, puisqu'on commence à comprendre réellement assez précisément la structure de ces molécules et la raison pour laquelle elles sont de plus en plus spécifiques. Alors, la question suivante que je voudrais poser, c'est est-ce que cette poussée technologique est d'une ampleur inhabituelle ? Parce qu'évidemment, on a toujours tendance en matière de technologie à penser que ce qui se passe aujourd'hui est fantastique. Il est difficile de répondre à cette question, sauf de dire qu'il ne faut pas s'emballer. Mais quand même, il se produit encore de véritables sauts technologiques. Et ça, je crois qu'on peut le dire. Il s'en passe dans le domaine du séquençage. Et là, vraiment, les capacités du séquençage augmentent d'une façon qui rappelle la célèbre loi de Moore. Et j'ai un cliché pour vous montrer ça. Voilà le nombre de kilobases, donc c'est 1000 paires de bases, séquencées par jour et par machine. Bon. Et voilà l'évolution. Alors, vous voyez qu'en 1980, on pouvait séquencer en gros 10 000 paires de bases avec une machine en un jour, et c'est déjà beau d'ailleurs. Ensuite, ça s'est développé. Et puis, vous avez les séquenceurs à capillaires qui ont permis le séquençage du génome humain. Les séquenceurs à capillaires qui ont permis le séquençage du génome humain dans cette zone-ci. Une deuxième génération, puis les séquenceurs que je vous ai décrits, séquenceurs à 454, etc., Solexa, pour en arriver à ce qu'on appelle le séquençage parallèle massif, avec deux options, les courtes séquences, qu'on séquence par millions, comme je vous ai montré, en même temps, et puis de plus longues séquences, et puis peut-être ce saut technologique qui a l'air d'être accompli maintenant, puisque l'instrument est en vente, même s'il n'est pas encore largement expérimenté, ce dernier séquenceur qui est capable de séquencer une seule molécule, mais de façon parallèle, et une seule molécule jusqu'à, paraît-il, 10 000 nucléotides ou 50 000 nucléotides, et dont l'optimisation promise amènerait, peut-être, on verra bien, amènerait à séquencer le génome humain en 4 minutes. Donc, un changement complètement radical. Donc, je pense que là, on peut vraiment dire qu'il y a un saut technologique qui est en train de se produire et que l'on peut le prendre en considération. Il me semble qu'en matière de fluorescence, enfin d'optique, vous avez vu que l'on a dépassé, il y a une dizaine d'années seulement, les limites que l'on croyait indépassables, les limites de diffraction, par une pensée scientifique qui s'est organisée non pas autour de l'optique, mais de l'état d'excitation des molécules que l'on veut observer, de façon à dépasser complètement les barrières qui étaient théoriques, qui étaient mises par la loi de Rayleigh, par exemple. En matière de nanotechnologie, je vous ai montré que la microfluidique permet aujourd'hui d'imaginer énormément d'instruments. Et par nanotechnologie, pour l'instant, je n'entends que des dispositifs d'analyse, mais par exemple, je vous ai montré comment, avec un processus de nanotechnologie, on arrivait à isoler en une seule étape, à partir d'une soupe de 10 puissance 14 molécules, si ma mémoire est exacte, un aptamère qui avait une affinité de 10-9 ou je ne sais pas quoi. Enfin, les progrès des nanotechnologies sont en train d'amener beaucoup de sensibilité, de rapidité dans les processus. Tout cela étant évidemment accompagné et permis par des développements de l'informatique dont je n'ai pas, que je n'ai pas à détailler. J'ajouterai que, à mon sens, en matière technologique en tout cas, la transdisciplinarité est tout à fait fondamentale et les synergies entre la biologie, la physique et la chimie se développent. Je pense que cela est particulièrement important et va être particulièrement important pour les techniques d'analyse non invasives. Je m'en expliquerai un peu plus loin pour ce qui concerne le système immunitaire, mais je pense que ces techniques non-invasives sont évidemment l'une des clés, d'abord pour améliorer bien sûr le diagnostic et le suivi des maladies, mais également bien sûr en matière de recherche pour énormément de raisons. Donc le développement de l'imagerie chez l'homme et chez la souris est absolument essentiel. Et le gros problème, je pense, l'un des vrais problèmes, c'est que on voit bien comment ces techniques aujourd'hui se développent chez la souris, à un niveau de résolution qui ira jusqu'à traquer une seule molécule dans tout l'organisme. En tout cas, une seule cellule, c'est aujourd'hui possible, c'est fait de temps à autre. Mais je ne vois pas très bien aujourd'hui comment ça va être fait chez l'homme. Et je pense qu'il y a là un problème tout à fait fondamental. Et puis, il y a un autre mariage qui se profile, c'est le mariage entre la biologie et la chimie. Ce mariage, il est visible dans ce que je vous ai exposé en matière d'ingénierie, des anticorps, des aptamères, etc. Il y a un autre aspect tout à fait fascinant qui est celui de la biologie synthétique, qui est une forme de chimie, hein. C'est une nouvelle forme de chimie qui se développe. Il y a quelques jours, vous avez entendu l'annonce de la synthèse de la première bactérie dotée d'un ADN, enfin d'un génome complètement chimique, synthétisé par voie chimique, ce qui n'est pas sans poser quelques interrogations, bien sûr. Juste vous dire qu'en matière d'immunologie, il y a également un peu d'immunologie synthétique dont je dirai un mot pour un instant. Moi, il me paraît tout à fait évident que les impacts sur la médecine vont prendre du temps, évidemment, mais vont être extraordinairement significatifs. D'abord, comme on dit dans le jargon, ou dans un certain jargon, nous nous orientons vers la médecine 4P. Alors, 4P, ça veut dire personnalisé, plutôt préventive que curative lorsqu'on peut, pluriexperte, c'est-à-dire pluridisciplinaire, et prédictive, là encore, quand on le peut. Ce qui réellement fait penser à ça, c'est l'ensemble de l'évolution des disciplines, mais ce qui interpelle tout particulièrement, c'est bien sûr le génome humain à $1000. Il y a 5 ans, moi j'y croyais pas, je le dis très très franchement, quand maintenant je vois ce qui est publié dans la littérature, c'est-à-dire que plusieurs entreprises privées s'estiment en mesure de délivrer un génome humain pour quelques milliers de dollars, 5 ou 6 000 en coût de réactif, on n'est pas loin du 1000 dollars. Et si les nouveaux instruments dont je vous ai parlé remplissent leurs promesses, il est absolument probable que le génome à $1000 est pas très loin. Bon. Alors, $1000 ou $1000, 1000 euros, bon, peu importe, hein, c'est simplement le fait que cela va rentrer dans la routine. Et incidemment, je voudrais revenir à ce graphe pour vous dire que ça, c'est le nombre de molécules, de kilobases séquencées par jour par un instrument. Mais il y a un autre paramètre qu'il faut inclure dans le dispositif, c'est le nombre d'instruments. le nombre des instruments disponibles dans le monde augmente de façon considérable. Vous avez des centres qui s'équipent en instrumentation. Un instrument vaut à peu près 500 à 600 000 euros à l'heure actuelle. J'ai connaissance d'un centre en Chine qui vient d'en acheter 100. Et il y a beaucoup de centres aux États-Unis qui s'équipent pour faire du séquençage à très haut débit, avec l'idée, bien entendu, que le génome à 1 000 $ ou à plus étant disponible, le marché est ouvert pour que les gens se fassent séquencer. Donc, je crois qu'on évolue clairement vers une ère où la génomique va prendre beaucoup d'importance. Ça prendra du temps, des années probablement, mais il n'y a plus vraiment de blocage technique, en tout cas, à ce genre d'évolution. Alors, bien sûr, ça ouvre la voie à un certain nombre de diagnostics d'interprétation personnalisée et de la prévention du traitement personnalisé. Incidemment, ça n'est pas dit ici, mais il est certain que le séquençage ne s'applique pas seulement au génome, et bien entendu, la transcriptomique avec le séquençage des transcrits, donc des produits de l'ARN messager, qui vous donneront une idée beaucoup plus précise de ce que telle ou telle cellule produit, ça aussi, ça va avec. Une conséquence possible de tout cela, c'est une interrogation, c'est une question, mais il est possible qu'une partie de ces technologies, notamment à cause de la microfluidique, comme je l'ai déjà dit la semaine dernière, je crois, évolue vers des pratiques médicales un peu différentes, plus proches du lit du malade et peut-être plus proches du cabinet du généraliste, qui pourrait être capable de vous faire des tests très, très rapidement dans son propre cabinet avec des instruments appropriés. Je vous avais montré ce dispositif de microfluidique où, en piquant et en ayant une goutte de sang, 10 minutes après, une cinquantaine de paramètres avaient été mesurés, y compris des interleukines, etc. Donc, on va peut-être également vers ce genre de choses. Je mentionne également un point qui est important, c'est que la masse des données, qu'elles soient de séquençage ou d'autres, augmente, et donc l'intégration et la gestion globalisée de ces données et des données pertinentes devient un enjeu tout à fait colossal. Alors, derrière cet enjeu colossal, vous avez des systèmes de modélisation dont je vais dire un mot dans un instant, et c'est un enjeu extrêmement important, y compris au niveau médical. Et derrière, bien entendu, ou devant, je ne sais pas, vous avez bien sûr d'autres problèmes. Et les autres problèmes sont les problèmes d'éthique. Je n'en parle pas, mais ils existent, bien entendu. Ils ne sont pas absents de ma réflexion. Des inégalités de soins. C'est clair que le génome à 1000 $, ce ne sera pas pour tout le monde, enfin, etc. etc. Vous avez d'autres problèmes qui sont liés, finalement, à la révision de certaines notions qui sont liées à l'ethnicité. Alors ça déborde le système immunitaire. Enfin, en gros, si vous voulez, je pense qu'il y a toute raison de faire attention au tout génétique. Il est dangereux et je crois que nous avons toute raison de nous en méfier. On peut voir aussi, me semble-t-il, des impacts sur la gestion de la recherche elle-même. D'abord, et j'ai évoqué ce problème, vous avez maintenant toute une catégorie d'expérimentation qui commence par une interrogation de la totalité des gènes, de la totalité des transcrits, de la totalité d'eux. C'est-à-dire que vous commencez votre expérience avec des présupposés qui sont moins importants que lorsque vous êtes obligé de cibler. Et donc, cela donne d'ores et déjà des résultats. Et je vous ai indiqué il y a quelques minutes que dans les domaines du cancer, il y a plein de résultats surprenants, des interventions de protéines ou de gènes qu'on ne sait pas ce qu'ils disent, pourquoi, mais c'est comme ça. Et donc, bien sûr, cela donne des sources nouvelles d'interrogations, et je ne pense pas qu'il y ait à se froisser trop de ce problème d'heuristique à condition de le gérer correctement. Vous avez un autre problème qui est celui du partage des données. Et ça, c'est un problème souvent sous-estimé et très important. On assiste aujourd'hui, et vous l'avez vu tout au long de ces cours, une multiplication des consortiums ou des consortia internationaux. Il y en a partout. Ce soit sur le cancer de la prostate, vous avez un consortium. Le lupus, vous en avez un autre. Ceci, cela, vous avez des consortiums. La levure, bon, vous avez des consortiums partout qui correspondent à la nécessité d'être capable, pour progresser, de mettre en commun ces informations. Alors, mettre en commun les informations, j'attire juste votre attention que ça suppose un accord préalable, parce que mettre en commun des informations qui sont hétérogènes, ça ne va pas très très loin, et ça pose en réalité beaucoup de problèmes. Et donc, l'un des problèmes que l'on rencontre en recherche aujourd'hui, c'est un accord sur le formatage des données, sur la manière de les acquérir, avec des standards, de façon à pouvoir les partager de façon relativement convenable. Il faut également, bien sûr, les présenter. Mais rien que quelque chose d'assez bête, comme annoter une séquence d'ADN en indiquant que le taux d'erreur probable dans la séquence est le temps, est une donnée très importante si l'on veut pouvoir ensuite mélanger les données. Et évidemment, quand vous êtes dans des recherches où un seul nucléotide de différence peut être interprété comme important dans une prédisposition à une maladie, vous devez faire attention à ce que ce nucléotide de différence ne soit pas le résultat d'une faute, d'une erreur de séquençage. Donc les taux d'erreur, juste pour prendre cet exemple, sont des points très, très, très importants. Et puis derrière, il y a un problème avec les accords de partage, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un peu de propriété intellectuelle quelque part. Mais le résultat des courses, c'est que finalement, les systèmes et les systèmes sociaux, enfin les sociétés les plus dynamiques, sont mieux à même de s'approprier les découvertes que celles qui ne le sont pas. Et donc, je pense que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, la réactivité des systèmes de transfert vers l'industrie, vers la médecine, mais vers l'industrie, est importante pour utiliser au mieux les résultats, au mieux pour le bénéfice de l'économie locale, les résultats de ces recherches. J'ai insisté plusieurs fois sur la modélisation qui est indispensable. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, quand vous avez 50 000 points, vous ne voyez rien. Donc, quelle que soit la manière dont vous vous y prenez, vous modélisez, parce que vous réalisez une abstraction au sens littéral de certaines données ou une conversion en utilisant les techniques mathématiques que j'ai indiquées pour avoir une représentation étudiante. Donc, la modélisation est aujourd'hui partout. Elle est partout et elle a des présupposés qui sont parfois ignorés et donc il y a des choix qui sont faits dans les données qui parfois sont pas explicites. Elle est essentielle au niveau de la modularité sur laquelle je vais revenir. Et puis, je vous mentionne qu'il y a des problèmes d'échelle dans les modèles et que la modélisation multi-échelle est quelque chose qui va devenir extrêmement important. Vous noterez que dans ce cours, j'ai beaucoup parlé de technologie, bien sûr, c'était l'objectif. Mais des technologies qui concernent l'ensemble de la biologie bien souvent, qui embrassent l'immunologie, mais qui concernent bien souvent toute la biologie. Ce qui pose deux questions pour moi. La première, c'est quand même de se demander si l'immunologie est vraiment séparable des autres branches de la biologie, ce que franchement, je ne crois pas. Et plus on interroge, justement, avec ces nouvelles technologies qui interrogent à l'aveugle, hein, tous les gènes du génome humain d'un seul coup, tout, etc., on peut les interroger avec des questions qui sont prétendues immunologiques et on découvre des choses qu'ils ne sont pas. Et réciproquement, donc la question des barrières entre les branches de la biologie est en train de s'estomper en raison, tout simplement, de la structuration en réseau et en module sur laquelle je vais revenir. L'immunologie garde pourtant sa spécificité, bien entendu, au niveau de l'importance des réactifs spécifiques, les anticorps, les aptamères, l'importance de l'imagerie dynamique, et là je voudrais réitérer le problème suivant, c'est que je pense qu'on va faire énormément de progrès grâce à l'imagerie en travaillant sur la souris, et pour l'instant je ne vois pas très bien comment on va pouvoir faire l'équivalent chez l'homme, parce que les systèmes d'imagerie non-invasifs ne sont pas encore suffisants. Alors, bien entendu, vous avez cet intermédiaire, cet hybride, ou ces hybrides que l'on appelle les souris humanisées. J'en ai dit un mot, ils ont leurs limites. En immunologie, donc, ce qui est quand même très spécifique, c'est l'analyse détaillée des petites populations cellulaires que l'on trie grâce au fax. Je vous mentionne donc qu'il y a un balbutiement de ce qu'on appelle l'immunologie synthétique, c'est-à-dire de reconstruire dans une cellule étrangère, par exemple une cellule de drosophile, vous reconstruisez complètement une voie de signalisation immunologique. C'est une des voies de l'immunologie synthétique. Alors, ce n'est pas aussi synthétique que de refaire une bactérie à partir de son ADN, mais enfin, c'est un pas vers cela. Et c'est important puisque, vous savez, la force de la preuve de la synthèse en chimie, et je pense que c'est une voie qui est très, très importante. Vous avez des problématiques de répertoire immunitaire et de souris, de travail chez la souris par rapport au travail chez l'homme. Ce qui vous explique d'ailleurs que cette poussée technologique autorise des développements chez l'homme dont on ne pouvait pas, qu'on pouvait pas imaginer il y a seulement 5 ans. Ou difficilement imaginé il y a seulement 5 ans ou 10 ans. D'où cet appel fait par un de mes collègues, Mark Davis de Stanford, en disant qu'il faut aller vers l'immunologie humaine, puisque une énorme partie de l'immunologie fondamentale est faite chez la souris, et d'où le choix qui a été fait à Singapour, dans l'institut que je pilote, de travailler sur l'immunologie humaine, avec les contraintes donc que je connais aujourd'hui et je connais bien. Maintenant, et ce sera ma conclusion, je voudrais attirer votre attention et vous dire à quel point il faut faire attention au vertige de la technologie et de la modélisation, au moins faite en aveugle. Et une fois de plus, je prendrai source, sinon inspiration, dans un article de Sidney Brenner, qui a eu le prix Nobel il y a quelques années et qui est un homme d'une intelligence et d'un humour assez remarquable, et qui commence dans cet article appelé « Sequences and Consequences », qui commence à faire la critique de ce qu'il appelle la science 3M. Alors la science 3M, c'est l'idée qu'avec assez d'argent, de machines et du management, vous pouvez tout faire. Donc c'est une flèche lancée directement dans le domaine du séquençage notamment. C'est vrai qu'avec de l'argent, des machines, du management, vous pouvez séquencer n'importe quoi, ça c'est sûr. Et vous obtenez des résultats. Mais il y a un autre aspect que je voudrais vous indiquer qui est très important, c'est que ce qui est aujourd'hui très populaire et qu'on appelle la biologie systémique a un versant radical, c'est un peu comme l'écologie, un versant radical qui est de dire, bon, ben avec assez de données, on aura des modèles mathématiques, on va tout comprendre. C'est une absurdité complète, y compris au point de vue logique, parce que c'est confondre les capacités de la déconvolution des systèmes complexes avec la reconstruction des modèles. À l'évidence, tout n'est pas déductible du génome, et je pense que c'est le point de base le plus important. Je donne juste un article qui montre une modification structurale d'un anticorps, possiblement importante, qui, je pense, n'était pas... Je ne vois pas comment on pourrait la prédire du génome aujourd'hui. Mais enfin, comme le souligne Sidney Brenner, l'avalanche des omics, comme on dit, la génomique, la transcriptomique, la métabolomique, la protéomique, etc., la lipidomique, toute cette accumulation de données et la puissance croissante des systèmes et des algorithmes ne garantissent absolument pas la compréhension des phénomènes. Et le problème, c'est que la résolution de ce qu'on appelle le problème inverse de la physiologie par la dérivation de modèles qui sont construits à partir des données, cette résolution du problème inverse est en fait à peu près impossible sur le plan théorique. Le problème, c'est que, en réalité, ce que vous fournit la modélisation, c'est une multiplicité de modèles. Et donc, votre problème, c'est qu'il faut faire des choix. Et la seule manière dont on peut faire des choix, c'est d'en invalider certains par l'expérience, et donc on est dans la logique de Popper. Et l'autre manière, c'est de reconstruire les modèles à partir des hypothèses que l'on a en tête, et on retombe, en gros, sur les canons de la recherche ordinaire, si je peux dire. Et donc, pour Sidney Brenner, et je suis totalement de son avis, le niveau d'abstraction correct est la cellule, et la représentation la plus mieux adaptée est celle d'un système de communication, Mais ceci nous ramène à ce que j'ai évoqué en d'autres termes, qui est la modularité dans les systèmes complexes et la modularité dans le système immunitaire. Et le gros problème, la grosse question, c'est effectivement la définition des modules. Et ça, c'est un acte de la pensée que l'ordinateur ne fournira pas. Alors, je prends de Sidney Brenner une de ses citations dans ce dernier article récent, avec une plaisanterie qui n'est pas d'ailleurs totalement appropriée, sauf que j'espère que vous avez tous rendu votre déclaration d'impôt hier, parce que selon Sidney, la structure modulaire illustre le grand principe selon lequel les systèmes biologiques résolvent de nombreux problèmes comme on le fait de l'impôt sur le revenu. Et la raison, c'est qu'il dit, chacun sait que ne pas payer l'impôt est criminel, mais il y a des moyens parfaitement légaux de ne pas le faire. Et donc, ce qu'a fait la gestion du problème de la complexité en biologie, le problème n'est pas de le résoudre directement, c'est de le contourner, et de le contourner, de l'éviter par la structure modulaire elle-même, et donc la définition des modules, donc des sous-ensembles pertinents de données biologiquement significatives, et comme le souligne Sidney, et comme cela est bien connu, cette structure modulaire simplifie à la fois, mais facilite également l'évolution, puisque vous pouvez faire évoluer beaucoup plus facilement un système modulaire en ajoutant des modules qu'en modifiant les éléments. Alors ma conclusion donc sera concernant l'immunologie que beaucoup des grands problèmes, décidément, relèvent de la définition de modules pertinents. Que ce soit à l'intérieur des cellules ou entre cellules, vous avez des agrégats qui sont porteurs de spécificités, vous avez des agrégats de facteurs de transcription, vous avez des signaux, des chaînes pardon, de signalisation qui ont une existence semi-physique, mais il y a des interactions, bien entendu. Et donc, la définition de ces modules est vraiment la chose la plus importante. Et la particularité de l'immunologie, son trait le plus différenciant, c'est le fait que les cellules circulent et circulent dans tous les sens. Et c'est ça qui a énormément d'implications par rapport au reste de la biologie, c'est que ces interactions sont dynamiques, elles sont semi-aléatoires, ça bouge dans tous les sens, ça s'associe un certain temps, ça se dissocie. Et le grand problème, c'est bien, ou l'un des grands problèmes, c'est bien d'articuler des définitions opérationnelles de ces modules de façon à pouvoir progresser dans la manière dont le système fonctionne. Et je reviens donc à cette conclusion, c'est que la mise au point des technologies non-invasives qui permettent d'observer les interactions cellulaires dynamiques est vraiment une des clés du futur, et ça va être beaucoup plus difficile chez l'homme que chez la souris. Et puis, ma conclusion, et la dernière cette fois, sera que, encore une fois, attention au vertige de la technologie et de la modélisation, la primauté et le dernier mot restent au questionnement scientifique. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.